Bonjour mes chers amis, et aujourd'hui nous allons terminer le chapitre 21 de l'Évangile de Luc. On va voir du verset 34 jusqu'au verset 38. Je vous le dis au commencement tout de suite, ça va être la dernière vidéo avant le temps des fêtes. Je vais vous revenir en janvier, le 16 janvier, je vous reviens avec la fin de l'Évangile de Luc, de ce qu'on appelle la passion, la mort, la résurrection de Jésus. On va voir chapitre 22, 23 et 24. Mais là, aujourd'hui, on termine cette série avant Noël. Donc, je vous reviens plus tard. Je vous en reparle à la fin du vidéo. Notre bon Père du ciel, tu nous as parlé depuis quelques jours de la destruction de ce monde. Dans sa totalité. Parce que les hommes t'ont abandonné. Les hommes t'ont rejeté. Depuis Adam qui a préféré manger de l'arbre, d'obéir à Satan, jusqu'à la fin des derniers hommes sur cette terre, l'homme t'a rejeté, l'homme t'a repoussé. Et tu nous as dit qu'il y aura un jour de vengeance et un jour de colère contre le monde que tu as créé. Comme il est arrivé au temps du déluge, comme il est arrivé au temps de Sodome, mais avec une amplitude des millions de fois plus forte. On va boire jusqu'à la lie de la coupe de ta colère, en tant que race humaine. Donc, dirige-nous dans ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Amen. Donc, on a vu depuis quelques jours, pendant toute la semaine, la destruction du monde dans lequel on a vu. On a vu pourquoi, si je vais le résumer par le rejet pour Israël, le rejet de Dieu en rejetant les prophètes Jean-Baptiste et Jésus, le rejet du monde en rejetant ceux qui rendent témoignage, parce que Jésus dit, vous allez servir de témoignage à travers le monde, dans toutes les nations. Jésus nous dit avant de partir, allez par toutes les nations de la terre et vous allez être mes témoins. On a rendu témoignage de Dieu et de Jésus-Christ et le monde nous a rejetés. Donc il y a un jour de vengeance et de colère qui vont venir dans le monde. Mais en attendant que cela arrive, Jésus va donner à ses disciples deux conseils. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 34, jusqu'à la fin du chapitre. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Donc Jésus dit à ses disciples, « Prenez garde à vous-même, gardez-vous, protégez-vous, en attendant, soyez sur vos gardes. Pourquoi? De crainte. Quand je vous dis, sois sur tes gardes, c'est parce qu'il y a un danger. N'est-ce pas? Si tu n'es pas parti, tu dis, sois sur tes gardes. C'est parce qu'il y a quelque chose de dangereux à quelque part. Sans ça, je ne te dirais pas d'être sur tes gardes. Il dit, soyez sur vos gardes, de crainte que vos corps ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Donc il dit, soyez sur vos gardes, ne vous laissez pas détourner. C'est marqué là, que votre corps ne s'appesantisse pas. Le mot, je pourrais traduire, ne vous endormez pas. Vous savez, comme on est plein, on est repu, on a bien mangé, on a bu, on est vraiment rempli, comme on dit. On a tendance à vouloir s'endormir. On a tendance à vouloir s'endormir. Parce que tout notre système est en train de vouloir travailler fort pour digérer tout ce qu'on a mangé et bu. Il dit, faites attention, soyez sur vos gardes. Il dit que les choses de ce monde ne viennent pas vous détourner. Ne vous endorme pas, ne vous inoptise pas, ne vous préoccupe pas. Faites attention que les soucis de la vie ne vous accaparent pas. Savez-vous à quoi ce que j'ai pensé en lisant la parabole du semeur? Il parle des soucis de la vie et il parle des richesses de ce monde qui empêchent les gens qui entendent la parole de porter du fruit. Il dit, faites attention que les choses de ce monde, que les soucis de ce monde ne vous accaparent. Et, il dit, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Attention de ne pas être surpris par ce jour, par l'arrivée du maître. Vous vous souvenez des autres paraboles qu'on a vues dans Luc? Attention, comme les vierges, comme le roi, comme le maître qui est parti, les mines, les talents. Il dit que le fidèle, quand le maître va revenir, soit trouvé veillant, debout à la porte avec sa lumière et qui attend son maître. Il dit, faites attention, soyez sur vos gardes de ne pas être pris au dépourvu, que ce jour ne vienne pas à l'improviste. Si le jour du Seigneur, le jour que Jésus va paraître dans sa gloire, avec toute sa puissance, te surprend, c'est malheur à toi si tu es surpris. C'est parce que tu ne l'attends plus. Parce que tu ne l'attends plus. Les soucis de la vie, le manger, le boire, t'accablent tellement, sont tellement devenus ta préoccupation dans la vie que tu as oublié que Jésus revenait et qu'il ramènerait vengeance et colère sur le monde et délivrance pour son peuple. Tu as mis ça en oubli. Il dit, sois sur tes gardes. Il y a un danger, là. Oh, il y a tellement de gens qui se disent être croyants et qui attendent le Seigneur Jésus-Christ. Tous les chrétiens disent ça, on attend le Seigneur Jésus-Christ, on attend le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans leur vie de tous les jours, on ne le voit pas. Ça ne paraît pas. C'est comme je dirais, j'attends mon épouse qui va arriver d'un moment à l'autre, mais j'ai mon tablier, puis je travaille, puis je fais mes affaires, puis je suis préoccupé. Finalement, je me tourne d'abord, puis ça fait une heure qu'elle est rentrée dans la maison. Là, t'es arrivé! Je ne t'attendais plus. Je ne t'attendais plus. Ça fait tellement longtemps. Verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Un filet, c'est bon, ce filet, ça fonctionne seulement s'il y a une surprise. Si je vois le filet à 100 pieds devant moi, ben je ne vais pas me prendre dans le filet. Si le poisson voit descendre le filet, s'il voit venir le filet, ben il ne va pas se laisser prendre dans le filet. Si le filet de l'oiseau l'art est tellement apparent que quand les oiseaux vont voir le filet à 100 pieds, à 200 pieds, ben ils vont virer de bord pour s'en aller. Un filet, pour que ce soit efficace, pour que ce soit à l'improviste, faut que ça surprenne. Il dit, mon retour, le retour du Fils de l'homme va venir comme un filet sur toute la surface de la terre en même temps. Attention, si tu es surpris, tu vas être détruit. Si tu n'es pas surpris, tu vas être délivré et tu vas être amené dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il dit à ses disciples. Attention de ne pas être détourné de l'attente que tu as de mon retour. Ensuite, au verset 36, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Veillez. Au lieu de vous apesantir ou vous assoupir, il dit veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Veiller, veiller, c'est pas ça que là, bon, ben, rester réveillé, mais veiller dans le sens que, dans l'attente, rester dans l'attente et prier. Priez que Dieu vous donne la force de passer à travers tout ce qui va venir, les séductions, les difficultés de la vie, la haine du monde, les soucis de la fin, les moments difficiles de la fin qui vont frapper le monde, pour que tu sois trouvé debout et veillant. La prière fait partie de cela. Veillez et priez. Moi, ce que je dirais, nous, on va dire, mais là, je vais-tu répéter à tous les matins la même petite prière, veillez, Seigneur, aide-moi à t'attendre aujourd'hui, Seigneur, oh, c'est pas mauvais, si tu le fais, fais-le. Mais c'est dit, je crois qu'il est en train de dire, cultive bien ta relation avec Dieu. La prière, pour moi, ce n'est pas un paquet de requêtes que je répète, c'est, vous souvenez que Jésus avait dit dans Luc 18, veillez et priez sans jamais vous relâcher, sans jamais vous décourager, jusqu'à temps que le Fils de l'homme vienne. Est-ce que je vais trouver de la foi quand le Fils de l'homme va apparaître sur la terre? C'est ce qu'il est en train de parler, la même chose ici. Veillez, veillez et priez, priez Dieu. Soyez en relation avec Dieu, parlez avec Dieu, jasez avec Dieu. Demandez à Dieu de l'aide, de la force devant les séducteurs, pendant les difficultés de la vie. Ne demandez pas à Dieu d'enlever les difficultés de la vie, il va en avoir. Mais de garder la foi dans les difficultés de la vie. Oh, demandez de combattre la haine du monde par l'amour. Priez d'avoir de l'amour pour le monde qui vous hait et continuez à témoigner de l'amour de Dieu pour eux. Priez, priez, priez. Gardez votre relation avec Dieu. Moi, je te dirais, frère et sœur, si tu as envie d'arrêter de prier ou si tu as arrêté de prier, tu es en grand danger que ce jour vienne sur toi comme à l'improviste, comme un voleur. Souvent, les gens disent, mais François, comment on prie? Est-ce que tu pries? Puis est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu aimes parler avec Dieu? Quand tu arrêtes de parler avec quelqu'un, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu sais comme moi. Hein? C'est vrai qu'il y en a qui aiment parler plus que d'autres. Mais quand tu arrêtes de parler avec quelqu'un, quand tu n'as plus de relation avec quelqu'un, tu es en danger d'être surpris par son arrivée. Parle avec Dieu. Prie le Seigneur. Apprends à prier. Demande à Dieu qu'il te montre à prier. Apprends à prier par les Écritures. Mais priez, priez, dit-il, afin que vous soyez trouvés debout lorsqu'il va arriver. Lorsque le jour de destruction arrive, vois-tu être en train de prier? À quoi est-ce que tu passes ta vie? À quoi est-ce que tu préoccupes ta vie? C'est quoi tes pensées de ton lever jusqu'à ton coucher? Es-tu toujours préoccupé par les choses de ce monde? Est-ce que la chose la plus importante? Ou je trouve ça tellement surpris que les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais n'ont même pas le temps de s'arrêter 5 minutes dans une journée pour écouter Dieu. Parler avec Dieu, ils n'ont même pas le temps de prendre 5 minutes, un petit 15 minutes, une petite demi-heure, s'arrêter et d'avoir du temps avec Dieu. M'a dit, ben, si c'est ça, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui te préoccupent. De manger, le boire, les soucis de la vie ont pris le dessus. Et maintenant, tu te préoccupes seulement de toi, de ta santé, de ta maison, de ton argent, de ta retraite, de tes voyages, de ta famille, de tes enfants, de ta femme. En tout cas, tu t'occupes seulement des choses d'ici-bas. Tu n'as plus ce rêve, ce désir, cet élan, cette hâte de voir le Seigneur Jésus venir dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Tu n'y parles plus, tu ne l'écoutes plus, tu ne pries plus. Oh, mais frère, ça, je ne veux pas mettre un fardeau. Je veux juste qu'on se réveille, qu'on voit la réalité de nos vies. Est-ce que c'est là ou c'est pas là? Si c'est là, ben on attend le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Mais si c'est pas là, il y a le temps que tu fasses de quoi? Une fois que tu te repentes et tu te convertisses. Mes frères et sœurs, mes chers amis, ne nous leurrons pas nous-mêmes en disant un chrétien, puis j'attends le Seigneur. Mais en attendant, je fais tout ce que je veux, puis j'en profite de la vie, me paye du bon temps, le temps que je pourrai. Non, attention, attention. C'est pas moi et toi que ça se passe. c'est entre Dieu et toi. Prenez garde à vous-même. Ne laissez pas les soucis de la vie et les choses de la vie vous troubler, vous détourner, et que ce jour vous prenne à l'improviste. Veillez et priez jusqu'à temps que le Seigneur vienne. Donc, ceci termine notre temps de cet automne. Nous sommes au début du mois de décembre, donc on a un arrêt. Prenez du bon temps avec vos familles. À ce temps de l'année, les familles se rencontrent. Il y a du bon temps, de repos, de réjouissance les uns avec les autres. Et étant des lumières, nous allons briller dans ce monde où ce qu'on va être. Nous sommes des enfants de lumière, donc nous brillons. Nous brillons dans le monde des ténèbres. C'est notre fonction, c'est notre nature, c'est ce que nous sommes, des lumières maintenant. Donc dans ce temps de l'année où ce qu'on va rencontrer des gens, nous allons être des lumières pour eux, dans l'espérance que quelques-uns sortent de leurs ténèbres et se tournent vers la lumière qui est Jésus-Christ. Comme je l'ai dit au début, je vous reviens le 16 janvier et nous allons terminer l'évangile de Luc. Bon temps des fêtes. Notre bon Père du ciel, en ce temps de l'année où ce qu'on va se rappeler ta venue dans le monde, pour sauver le monde. Donne-nous de ne pas oublier que tu vas aussi revenir. Que tu vas aussi revenir un jour, chercher ceux qui t'attendent, ceux qui désirent ton retour, ceux qui anticipent ton retour, ceux qui prient en attendant que tu arrives. Garde-nous attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen.